إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous voici réunis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour notre troisième assise concernant l'explication de certains sens de l'épître du noble savant Al-Hafidh Al-Nawawi rahimahullah. Et nous voici arrivés au deuxième hadith. Le temps nous dit rahimahullah. Le deuxième hadith, toujours d'après Omar radiallahu anhu, qui a dit: alors que nous étions un jour assis en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se présenta à nous un homme portant des vêtements extrêmement blancs, les cheveux très noirs et ne présentant aucune trace de voyage. Pourtant, aucun d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit près du prophète, ses genoux contre ceux du messager d'Allah et la paume de ses mains sur ses cuisses. Puis il dit: ô Muhammad, parle-moi de l'islam. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, à accomplir la prière rituelle, à s'acquitter de l'aumône légale, à jeûner le mois de Ramadan et à accomplir le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. L'homme dit: tu dis vrai. Nous fûmes surpris de son acquiescement, car c'est lui qui avait posé la question. L'homme poursuivit: parle-moi de la foi. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: il s'agit de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin, que ses conséquences soient favorables ou défavorables. Il dit: tu dis vrai. L'homme ajouta: parle-moi de l'excellence. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Il ajouta: parle-moi de l'heure. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui est interrogé n'en est pas mieux informé que celui qui pose la question. L'homme poursuivit: indique-moi ces signes précurseurs. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: lorsque l'esclave donnera naissance à sa maîtresse et que tu verras les 20 nu-pieds dénudés sans le sou, gardiens de moutons, rivaliser dans la hauteur des constructions. Puis il s'en alla et je restai ainsi un certain temps. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit alors: Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Je dis: Allah et son messager le savent mieux que quiconque. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: c'est Jibril venu vous enseigner votre religion. Rapporté par Muslim. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit dans son épître Jami' al-Ulum wal-Hikam, comme citation de la base du récit duquel est tiré ce hadith. Il nous dit rahimahullah: Muslim s'est distingué de Bukhari de par la citation de son hadith dans son authentique. Puis il nous dit, après avoir cité la chaîne de transmission par laquelle le hadith fut rapporté, d'après Yahya ibn Ya'mar, qui a dit: la première personne ayant parlé sur le destin, Al-Qadar, à Bassora, en Irak, est Ma'bad al-Juhani, c'est-à-dire le premier à avoir parlé sur cette innovation à propos du Qadar, qui consiste à prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait ce qui se produit qu'au moment où cela se produit. Donc à nier la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui précède toute chose. Cela revient à démentir le Coran. Il nous dit: quand cela est arrivé, nous nous sommes dirigés, moi et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, pour accomplir le pèlerinage ou la Umrah. Et nous nous sommes dit: si seulement nous pouvions rencontrer un parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis lui demander à propos de ce que disent ces gens-là au sujet du destin. Et Allah nous a permis de rencontrer Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qui entrait dans la mosquée. Nous l'avons donc entouré, moi et mon compagnon, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Puis il dit: je pensais que mon compagnon allait me laisser la parole. J'ai donc dit: ô Abba Abdurrahman, il est apparu chez nous des gens qui lisent le Coran, apprennent la science Et ils prétendent qu'il n'y a point de destin et que l'affaire est ounouf. Ounouf, c'est-à-dire, comme cité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qui va se produire jusqu'au moment où cela se produit. Ce qui est démenti par les textes, entre autres ce hadith que nous avons entre les mains. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma de répondre: si tu rencontres ces gens, informe-leur que je me désavoue d'eux et qu'ils sont désavoués de moi. Et par celui dont Abdullah ibn Omar jure, si l'un d'entre eux possédait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, puis qu'il l'a dépensé, Allah n'aurait pas accepté cela de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. C'est-à-dire, entre autres, qu'Allah connaît toutes choses, passées, présentes ou futures, et qu'il a écrit cela, subhanahu wa ta'ala, dans la table gardée avant la création des cieux et de la terre. Comme cela viendra, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, en détail. Puis il dit, radiallahu anhu, mon père, Omar ibn al-Khattab, m'a rapporté et a dit: un jour, pendant que nous étions auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis il a cité le hadith en entier. Donc voici la base du récit duquel a été tiré ce hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc nous tirons de ce récit, premièrement, plusieurs points. Premièrement, l'importance de revenir aux gens de science, et en particulier aux grands savants, en période de trouble ou de tentation, ou en présence d'ambiguïté, pour dissiper cela. Car ces deux tabi'in, lorsque cette innovation a débuté, se sont empressés de poser la question aux gens de science, et en particulier aux grands savants, comme Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui comptait à l'époque parmi les derniers des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encore présents. Le noble savant, le cheikh Abdel Mohsin El-Abbad, hafidhahullah, nous dit à propos de ce récit: dans ce récit, nous avons que l'apparition de l'innovation de Al-Qadariyya était à l'époque des compagnons, pendant la vie de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, qui est mort en l'an 73 de l'Hégire. Et nous avons aussi le fait que les tabi'in revenaient aux compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour la connaissance des affaires de la religion. Et c'est cela qu'il est obligatoire de faire, de revenir aux gens de science en tout moment, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après les sens du verset, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl, verset numéro 43. Et nous dit, hafidhahullah. Et nous avons aussi dans cela le fait que l'innovation des Qadariyya fait partie des pires innovations. Cela de par la dureté des propos de Omar ibn al-Khattab à son sujet. Et le fait que le mufti, celui qui donne un jugement religieux, lorsqu'il cite un jugement religieux, cite avec celui-ci la preuve, comme l'a fait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui a donné le jugement, puis ensuite a cité le hadith, comme l'a fait Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, qui a cité le jugement, puis ensuite a cité le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Intaha kalamuhu hafidhahullah. Puis, quant au hadith lui-même que nous avons entre les mains, l'imam ibn Rajab rahimahullah nous dit à son sujet: ce hadith a certes été rapporté par Anas ibn Malik et Jarir ibn Abdullah al-Bajali et autres, et c'est un très immense hadith qui contient l'explication de la religion tout entière. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fin: ceci est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Cela après avoir cité les degrés de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Et il a considéré tout cela comme étant la religion. Donc ce hadith que nous avons entre les mains, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, est un immense hadith car il englobe toute la religion. Et c'est pour cela qu'il a été dit par certains gens de science: toutes les sciences de la religion reviennent à ce hadith et ont été tirées de lui. Toutes les sciences de la religion reviennent à ce hadith et ont été tirées de lui. Nous allons donc, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, citer certains des nombreux masaïl, des nombreux sujets importants cités par les gens de science concernant ce hadith, selon leur ordre de venue dans le hadith. Parmi ces masaïl, nous avons premièrement le fait que le savant, la personne de science, s'expose aux gens et s'assoit avec eux pour leur enseigner et leur profiter. Cela comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Deuxièmement, ce hadith permet de savoir que les questions et réponses font partie des méthodes d'enseignement très profitables, comme l'a fait Jibril avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc qu'il incombe d'y donner une très grande importance. Le fait de poser des questions pour ensuite avoir les réponses. Troisièmement, nous avons dans le hadith la preuve que les anges se présentent parfois sous apparence humaine, comme Jibril avait pour habitude de se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence du compagnon d'Ihya al-Kalbi, qui avait une belle apparence physique, radiyallahu anhu. Et comme il s'est aussi, Jibril, présenté à Maryam alayhi salam sous l'apparence d'un bel homme, comme cité dans le Coran. Quatrièmement, nous avons dans la venue de Jibril alayhi salam en vêtement blanc une des preuves montrant le mérite du vêtement blanc face au reste des couleurs. Comme il a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: enfilez ou mettez parmi vos vêtements le blanc, et avec celui-ci ensevelez vos morts. Hadith rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission bonne. Cinquièmement, nous avons dans le hadith, dans la venue de Jibril alayhi salam en tant que questionneur et demandeur de science, nous avons certains comportements que doit adopter l'étudiant en science. Parmi ceux-là, le fait de se présenter pour la recherche de la science avec calme, sérénité, tout comme il se présente avec une belle apparence et de manière humble, comme s'est présenté Jibril alayhi salam, dans l'état d'une personne questionneur, dans le besoin qu'on lui réponde, donc avec humilité et non pas de manière orgueilleuse, mais en montrant à la personne qu'on questionne que nous sommes dans le besoin d'avoir une réponse, comme l'a fait Jibril alayhi salam. Et parmi ce que nous avons dans le hadith, le fait que le questionneur ne se contente pas de questionner à propos de ce qu'il ignore, mais qu'il pose à autrui des questions dont il connaît la réponse, pour que les personnes présentes puissent entendre la réponse et puissent profiter de cela. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a imputé l'enseignement à Jibril, car il en a été la cause à travers ses questions, alors que l'enseignement provenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a répondu aux questions. Mais du fait que Jibril alayhi salam a posé les questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a imputé l'enseignement dans ses propos: ceci est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Et il fait aussi partie du bon comportement que la personne ne s'empresse pas de donner la réponse au sujet qu'elle connaît, mais qu'elle demande à la personne présente la plus savante, comme son cheikh ou autre, pour y répondre. Sixièmement, dans la question que Jibril alayhi salam a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi à propos de l'islam, puis ce qui suit, nous avons plusieurs points. Premièrement, l'explication de ce qu'est l'islam, la soumission. Et la différence se trouvant entre l'islam, la soumission, et l'iman, la foi, lorsque tous deux sont réunis. Quant à l'islam, premièrement, il est défini par les gens de science comme étant la soumission à Allah de par son unicité, son obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc la soumission à Allah de par son unicité. De cette définition donnée par les gens de science quant à l'islam, nous tirons un point très important qui est la classification des gens quant à l'islam. C'est-à-dire que les gens seront par rapport à l'islam de trois catégories, comme le citent les gens de science. Donc les gens par rapport à l'islam seront de trois catégories: par rapport à la soumission à Allah de par le tawhid, de par l'unicité. Quant à la première des catégories, elle est celle de ceux qui prétendront ne se soumettre à aucun dieu et à aucune divinité, donc ne pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettre à personne. Donc cela ne se soumettront ni à Allah subhanahu wa ta'ala et prétendront ne croire en aucune divinité et ne pas se soumettre, comme ceux qui se diront par exemple athées ou non croyants. Cette catégorie là est appelée celle des orgueilleux, al-mustakbirun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet: et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration entreront en enfer humiliés. Sourate Ghafir, verset numéro 40. Donc première des catégories, qui est celle des orgueilleux, qui prétendront ne se soumettre à aucune divinité. Quant à la deuxième des catégories, elle est celle de ceux qui se soumettront à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi à autre que lui, en vouant à certains moments certains actes d'adoration à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Cela comme le faisaient les polythéistes à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette catégorie-là sera celle des polythéistes, al-mushrikoun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux, qu'ils aiment comme l'on aime Allah, alors que les croyants ont un amour plus immense pour Allah. Puis il nous dit, subhanahu wa ta'ala, à leur sujet, et ils ne sortiront pas du feu. C'est-à-dire qu'ils seront en enfer pour l'éternité. Surat al-Baqarah, verset numéro 167. Donc, deuxième catégorie, celle des mushrikoun, qui auront la soumission, mais pas par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils auront associé autre qu'Allah à lui. Et quant à la troisième des catégories, qui est celle des croyants, celle pour qui le paradis a été promis, et c'est celle de, elle est celle de ceux qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala de par son unicité. C'est-à-dire qu'ils se soumettent à lui seul subhanahu wa ta'ala sans associer en dehors de quiconque et qu'ils obéissent à ses ordres. Donc ici, qui auront la soumission à Allah de par le tawhid. Alors que la première des catégories n'avait pas la soumission. La deuxième avait la soumission, mais pas le tawhid. Celle-ci réunit entre les deux. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, cette catégorie sera celle des monothéistes, al-muwahhidoun, des croyants, qui auront réuni entre la négation et l'affirmation. La négation, de par laquelle ils ne se soumettent et n'adorent personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'affirmation, par laquelle ils dirigent toutes les formes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, « Nulle contrainte en religion. Le droit chemin s'est certes distingué de l'égarement. » Quiconque met croit pas en route, négation, et croit en Allah, affirmation, c'est certes emparé de l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Quiconque met croit pas en route, et croit en Allah, c'est certes emparé de l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Surat al-Baqarah, verset numéro 256. Septièmement, nous avons dans le hadith la distinction entre l'islam, qui est la soumission, et l'Iman, qui est la foi, qui lorsqu'ils sont cités ensemble, prennent chacun un sens différent de l'autre. Comme dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'islam, qui est la soumission, par les actes apparents. L'attestation de foi, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Et il a décrit sallallahu alayhi wa sallam l'Iman, la foi, par les actes du cœur, les six piliers de la foi. Alors que lorsque ces deux mots-là sont cités séparément, alors chacun englobe le sens du deuxième. Donc chacun prend le sens des actes apparents et des actes du cœur. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset qui nous dit, certes, la religion auprès d'Allah est l'islam, la soumission. Surat Ali Imran, verset 19. Donc ici, le mot islam a été cité seul. Donc il englobe les actes apparents et les actes du cœur. Et comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit d'après l'essence du verset, « Et quiconque mécroit à la foi, alors ses œuvres sont certes annulées, et il est dans l'au-delà du nombre des perdants. » Surat al-Maïda, verset numéro 5. « Quiconque mécroit à la foi. » Donc ici, la foi a été citée tout seul, l'Iman. Donc cela englobe les actes apparents et les actes du cœur. Huitièmement, nous avons dans le hadith la citation des cinq piliers de l'islam, dans leur ordre d'importance. Comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par le premier et le plus important, qui est l'attestation de foi, al-shahada. L'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est son messager. Anta shahada, an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah. Et parmi ceux qui prouvent que ce premier pilier est le plus important, plusieurs points. Premièrement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait cité en premier devant le reste des piliers. Donc il a commencé sallallahu alayhi wa sallam par la shahada. Parmi ceux qui montrent cela aussi, le fait que l'attestation, la shahada, soit la chose par laquelle a été envoyé tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. Surat al-Anbiya, les prophètes, verset numéro 21. Donc, al-Shahada, l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est la chose avec laquelle a été envoyé tous les messagers. Parmi ce qui montre l'importance de la shahada quant au reste des piliers est le fait que sans elle et sans sa concrétisation, aucun acte parmi le reste des piliers n'est accepté. Car tout acte d'adoration n'est accepté que s'il remplit deux conditions, qui sont premièrement la sincérité, que l'acte soit fait exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce que contient le sens de la ilaha illallah. Deuxièmement, qu'il soit fait en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que contient le sens de Muhammad Rasulullah, qui implique d'obéir au messager, de délaisser ses interdits, de croire en ses propos et de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par ce qu'il a légiféré. Donc, ces points, parmi d'autres, nous montrent que ce premier pilier est le plus important. Ensuite, neuvièmement, le reste des piliers qui sont de l'islam, qui sont la prière, la zakat, l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage pour quiconque en a les moyens, qui sont ces adorations, comme cité précédemment, apparentes, qui viendront en détail dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Puis, nous avons aussi dans le hadith la citation de la foi et de ses piliers, qui sera, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala, le sujet de notre prochain cours. En demandant Allah subhanahu wa ta'ala aide et assistance pour l'accomplissement de tout bien et le délaissement de tout mal. Et qu'il nous compte, subhanahu wa ta'ala, cette assise comme étant une preuve pour et non contre nous, le jour où ni bien ni enfant ne sera profitable à quiconque, si ce n'est celui qui vient Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.